Et comment est-ce qu'on dit « il aurait dû le faire » ? Ah ah ! Bonne question ! C'est exactement ce que j'allais vous demander maintenant. Alors, on peut dire « il devrait le faire » ou « il aurait dû le faire ». « Il aurait dû » en anglais veut dire « il devrait avoir ». Il devrait avoir « he should have ».« He should have ». Maintenant, on est dans le plongeoir de l'auxiliaire « avoir ». Alors, c'est « done it ». Right. On plonge donc dans le participe passé « should have », »,« aurait dû », en anglais, « devrait avoir », qui aboutit sur le participe passé. Alors, comment dit-on « il aurait dû le faire » Donc, on dit « he should have done it ». Right. « He should have done it ».« He should have done it ». Vous auriez dû le faire ?« You should have done it ». Right. « You should have done it ». Vous auriez dû me dire ?« You should have told me ». Good. « You should have told me ». Et je l'aurais fait. Et je l'aurais. And I would have done it. Good. And I would have done it. Vous devriez le faire. You should do it. Yes. You should do it. You should do it. Vous auriez dû le faire. You should have done it. Very good. Beautiful. You should have done it. Il existe deux formes différentes, n'est-ce pas? Soit « devrait » tout court, avec le verbe qui suit à l'infinitif sans le « to », ou « aurait dû », c'est-à-dire « devrait avoir » suivi du participe passé « should have ».« Should have » suivi du participe passé. Nous devrions attendre We should wait. Right, we should wait. Nous aurions dû attendre. We should have waited. Right, we should have waited. Yes. Vous ne devriez pas le faire. You shouldn't pas le faire. Do it. Right, you shouldn't do it. You shouldn't do it. Vous n'auriez pas dû le faire. You shouldn't have done it. Parfait. You shouldn't have done it. Yes. You shouldn't have done it. Yes, yes. Ça devrait être prêt maintenant. Ça devrait? Ça devrait. It should be ready now. Right. It should be ready now. Ça aurait dû être prêt maintenant. Ça aurait dû. It should have... been. Good. Ça aurait dû être prêt maintenant. It should have been... prêt? Ready. Right. It should have been ready now. Vous auriez dû venir le voir avec nous hier soir parce que c'était très intéressant. Vous auriez dû venir le voir. You would... Vous auriez dû... Ah. You should have... Venir se dit... Venir to come. To come. Et le passé se dit... To come. Came. Came. Et le participe passé est comme l'infinitif. Come. Come. Alors, vous auriez dû venir... You should have... come. Le voir avec nous. To see it with us. Right. You should have come to see it with us. Hier soir. Hier soir. Last night. Last night. Parce que c'était très intéressant. Because there was... C'était. C'était. It was... Très intéressant. Very interesting. Yes, it was very interesting. Because it was very interesting. Encore une fois, vous auriez dû venir le voir avec nous hier soir parce que c'était très intéressant. You should have come with us. Vous auriez dû venir le voir avec nous. You should have come to see it with us. Hier soir. Last night. Parce que c'était très intéressant. Because it was very interesting. Yes, you should have come to see it with us last night because it was very interesting.